pilote. Sur la route, il roule sans fin. Entre les souvenirs et les lendemains, chaque virage est un défi à surmonter, mais il garde l'équilibre sans jamais tomber. Pilote de sa vie, il trace son chemin. Entre ombre du passé et lueur du matin, il avance sans peur, guidé par son destin. Sur la route infinie, il ne s'arrête point. Le vent du passé souffle parfois, mais il tient le guidon. Ne regarde pas en bas, les rêves de demain brillent comme des étoiles. Il suit la lumière, évite les voiles. Pilote de sa vie, il trace son chemin entre ombre du passé et lueur du matin. Il avance sans peur, guidé par son destin. Sur la route infinie, il ne s'arrête point. Les souvenirs douloureux, il les laisse derrière. Regarde droit devant, vers un avenir clair. Chaque jour est une course, un nouveau départ. Il accélère, ne s'arrête nulle part. Pilote de sa vie, il trace son chemin entre ombre du passé et les lueurs du matin. Il avance sans peur, guidé par son destin. Sur la route infinie, il ne s'arrête point. Toutes les peurs, il les affronte avec détermination, il les surmonte. Le moteur de son cœur bat en plein régime, il poursuit son rêve, son ultime hymne. Ah, hey ! Pilote de sa vie, il trace son chemin entre ombre du passé et lueur du matin. Il avance sans peur, guidé par son destin. Et sur la route infinie, il ne s'arrête point. Les jours de pluie, il garde le cap, ne se laisse pas distraire par les traces. Chaque goutte est un rappel de sa force, il continue sa route sans aucun remords. Pilote de sa vie, il trace son chemin entre ombre du passé et lueur du matin. Il avance sans peur, guidé par son destin. Sur la route infinie, il ne s'arrête point. À l'horizon, il voit la lumière, un futur radieux, sans plus de barrières. Il roule vers l'infini, libre et serein, pilote de sa vie, il atteint enfin. Pilote de sa vie, il trace son chemin